tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, on rediffuse Lascaux, saison 4, un art quasi mort et très enterré, une série de Perrine Kervran réalisée par Diffy Mariani. Au départ de cette série, il y a le nouveau facsimilé de la grotte de Lascaux, ouvert il y a un an, et ce petit bison gravé sur un os de renne et qui tourne la tête pour se lécher le dos. Il y a cette sensation étrange de bien-être qu'on peut avoir dans une grotte, loin de la lumière et du bruit, comme à l'abri, hors du temps, dans un endroit qui ouvre la possibilité d'une rêverie, comme un contact direct avec le passé le plus lointain. Et puis il y a aussi une fascination pour ces dessins, peintures et gravures que les hommes et les femmes du Paléolithique ont posés sur ces parois au plus profond de la terre. Et enfin, l'envie d'emboîter encore une fois le pas à ces enfants et à ce chien qui ont découvert Lascaux. Alors pour commencer, les personnages. Un historien dans une bibliothèque au milieu des boiseries, un archéologue et sa lampe frontale, d'autres qui marchent, deux guides habités qui mènent la file indienne et un couple de préhistoriens. Ensuite le décor, une petite grotte aux formes arrondies, d'autres qui sont comme de longs couloirs étroits, des vitrines remplies de silex à l'Institut de paléontologie, un musée, les gorges de l'Ardèche et des centaines de gravures d'animaux enchevêtrés. Aujourd'hui, premier épisode, on est en Ardèche et en Dordogne, et jamais loin d'une rivière. Donc on prend les deux combinaisons ? Allez, là. Ouais, de la peau. Voilà. Je vais faire un peu de sous-titres. Je vais vraiment juste de l'éclairage et puis des bons habits pour tenir la journée là-bas. C'est parti. C'est toi qui as les clés, hein. Pour les portes. Parfait. S'arrêter au niveau du belvédère du Rond Pointu, qui est le premier belvédère le long des gorges. Alors c'est là qu'on descend, on quitte la route, on quitte le bitume. C'est là ça couche. Je viens mettre les pieds sur les cailloux qui sont en place, il y en a deux, trois qui tournent. On est rentré dans la garrigue et puis après ça, là maintenant, on a les chênes verts qui nous entourent. On longe la paroi et puis on passe devant une première cavité qui est la grotte Huchard, qui est aussi une grotte ornée. La première des deux entrées de la grotte des deux ouvertures. Donc c'est là qu'on va s'équiper, on va prendre les lampes. Donc la combinaison, voilà. Fermez ça. Un matin d'octobre dans les gorges de l'Ardèche, miraculeusement déserte, un joli soleil d'automne, un vent léger, le bruit de la rivière en contrebas, on entre dans la grotte des deux ouvertures. Bon, on y va ? On est obligé un petit peu de se courber là dans l'entrée. Donc c'est une galerie qui est relativement grande, mais quand même. Julien Monet, archéologue. Une grosse marche ici pour monter sur le massif stalagmitique. Là, il y a une petite porte verte, une porte verte qui a été mise pour justement limiter l'accès à la grotte. Tout à fait. Site préhistorique, fouillé, accès interdit. On va s'avancer sur un petit bord le long de la paroi. Autour d'un bec rocheux. Ici, après une petite dizaine de mètres, on arrive à l'entrée du secteur orné. fondamentalement, tout a été gravé dès lors qu'on a passé ce passage bas. Donc on a la voûte qui descend d'un seul coup, et puis qui se retrouve à peu près à 1,20 m du sol. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'on va passer dessous, tous les endroits où on est susceptible de toucher sont aussi les endroits où nos prédécesseurs ont été susceptibles de toucher. Il y a un petit peu d'ocre qui s'est déposé. Et il y a aussi des traces noires ici qui sont calcitées, des petits impacts, qui indiquent très probablement des impacts de torche. Vous allez voir que le passage tourne, celui où on rampe, et puis après ça va un tout petit peu s'agrandir. On pourra rester à quatre pattes, mais on ne pourra jamais se redresser. Donc on va ramper. On va ramper. Caverne, ouvre-toi. Un beau jour naquit la préhistoire. Ah. Bon, le truc s'est arrêté pendant que... Pendant le ramping. Ouais. Il faut juste vraiment être très très précautionneux lorsqu'on se déplace. C'est toujours des petits mouvements mesurés qu'on doit faire ici. Bon, vous pouvez éteindre vos lampes aussi, comme ça je vais pouvoir vous montrer les choses petit à petit. Voilà. Au moment où on s'arrête, il y a une première gravure qui se trouve ici. Alors c'est très peu visible, donc je dois vous la montrer avec la lampe en lumière rasante pour faire ressortir les ombres des tracés. Et on a ici un tracé en triangle avec un trait au centre qui évoque un triangle pubien féminin. Qui est là en fait au-dessus de nous. Juste là, au niveau de mon ombre en fait. Ah oui, l'ombre, d'accord, ouais, voilà. C'est ça. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît dans d'autres cavités, notamment à la grotte Chauvet, où en fait on retrouve un signe de ce type-là en entrée du secteur dans lequel il va y avoir le plus de figurations animales. Alors je vois vos airs un petit peu étonnés, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose. Hein. Voilà, si je mets un autre éclairage... En Ardèche, il y a des grottes, des tas de grottes. Creusées dans les hautes falaises de calcaire par les rivières souterraines, il y a des millions d'années. Des grottes qui font comme des petites taches noires sur les falaises écrasées de soleil, ou bien qui débouchent sur la rivière. On aperçoit leurs entrées sombres à travers les buissons quand on fait du canoë. Les ados s'y faufilent l'été, il y fait frais, on y est bien. Il faut du temps pour s'habituer à l'obscurité. Les hommes, les femmes et les enfants du paléolithique s'y sont glissés aussi. Ils y ont laissé des traces, dessins, gravures, peintures, des animaux et des signes. Maintenant, on connaît tout ça par cœur. Ces images sont là depuis des millénaires, elles n'ont pas bougé. Elles nous attendaient. Pendant des siècles, elles étaient devenues comme invisibles. On n'y voyait rien. Et puis, au bout d'un moment, la préhistoire a été inventée. Et on a redécouvert les grottes ornées au point d'en faire des récits émerveillés, des épiphanies. Comme si jusque-là, on avait arpenté les galeries en regardant nos pieds. Alors là, on passe à côté de vitrines, à l'intérieur desquelles on voit des crânes, des mâchoires, des dents. Et au-dessus de nous, il y a une peinture, alors c'est une reproduction. Alors c'est même un peu plus que cela, c'est-à-dire que nous sommes à Altamira, qui était un site majeur dans la reconnaissance de l'art pariétal paléolithique. Ce n'est qu'en 1879 que l'on découvrit la première caverne peinte. Un distingué espagnol, dont Marcelino de Sao Tola, avait dans la région Santander une maison de campagne à Puente San Miguel. On venait de découvrir dans le voisinage, à peu près à une heure de promenade, une grotte. Un chien de chasseur ayant pénétré dedans, le chasseur suivit et la cavité fut découverte. Il y fut et remarqua sur le sol des pierres taillées et des os cassés. Et il était accompagné de sa petite fille qui avait, je crois, 5 ans et s'assit pendant que son père fouillait sur une pierre. Et ses yeux arrêtaient l'aventure et particulièrement se fixèrent sur le plafond bas qui la dominait. Et tout d'un coup, elle s'écria « Un toro !» Et le père de lever les yeux et de s'apercevoir que tout le grand plafond bas était entièrement couvert de grandes fresques parfaitement bien conservées et figurant des bisons, des chevaux et une biche. Tout de suite, il va essayer de faire connaître sa découverte et il va se heurter au minimum au scepticisme de la communauté des préhistoriens et plus généralement à l'hostilité qui est liée à la vision même que l'on peut avoir de l'homme préhistorique. Arnaud Hurel, historien des sciences. L'homme préhistorique reste l'homme des origines. Et donc reconnaître à cet homme des origines une totale humanité, c'est-à-dire à la fois dans des productions matérielles mais également dans des productions symboliques, des choses qui ne servent à rien, qui servent juste à l'élever intellectuellement, eh bien c'est une vraie question au XIXe siècle. Une vraie question, d'autant plus que le courant majoritaire des études préhistoriques est un courant matérialiste, qui, d'un point de vue très séculier, est en lutte ouverte contre l'Église. Donc toute référence à une spiritualité ou autre forme de pensée symbolique pose problème. Et donc il y a une véritable prise en main des débats scientifiques par des considérations beaucoup plus politiques. Mesdames, messieurs. L'abbé Henri Breuil, préhistorien, invité à l'UNESCO pour une série de conférences en 1946. Altamira et Lascaux. Deux sites, deux cavernes, qui témoignent qu'en plein âge de pierre taillé, alors qu'une faune glaciaire peuplait l'Europe occidentale, des tribus de chasseurs de rennes, bisons, chevaux, taureaux, mammouths, rhinocéros laineux s'étaient mentalement et spirituellement élevés à un assez haut degré pour créer de grandes œuvres d'art. On squatte la bibliothèque quelques minutes. Hein. Et j'ai la clé hein, pour vous faire mesdames. Alors vous avez amené un petit dossier avec vous, Arnaud Hurel, et donc il y a trois feuilles de papier repliées qui protègent une feuille de taille A4, recouverte d'une fine écriture noire, on voit que c'est écrit à la plume. C'est une lettre qui date du 19 mars 1881, elle est expédiée depuis Saint-Germain-en-Laye par Gabriel de Mortillé à Émile Carteillac, qui est alors à Toulouse. Et donc Gabriel de Mortillé, qui est attaché au musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-Laye, écrit à Carteillac pour lui parler de divers sujets en lien avec une publication, un périodique qui s'appelle Les Matériaux. Et dans cette lettre, il évoque la question des grottes ornées, et tout spécialement la question de la grotte d'Altamira. Gabriel de Mortillé est un animateur, un agitateur dans le domaine de la préhistoire. Il a publié un certain nombre d'ouvrages, de périodiques que tout le monde lit et tout le monde a chez soi. Donc il règne sur cette préhistoire. Émile Carteillac, lui, règne également sur la préhistoire, mais à travers Toulouse. C'est-à-dire que c'est le petit roi de la province et des préhistoriens. Donc ces deux hommes, en fait, ont entre leurs mains le destin des études préhistoriques dans le dernier quart du 19e siècle. Et donc cette lettre est donc particulièrement importante de ce point de vue-là, savoir ce que ces deux individus peuvent s'écrire peu de temps après la découverte d'Altamira. Voici un passage. J'en viens maintenant à la question des peintures de la caverne de Santander, donc c'est-à-dire la ville à côté d'Altamira. J'ai bien reçu les dessins que vous m'avez adressés. Je suis persuadé qu'il y a une mystification dans cette affaire. Les silex et les instruments en os figurés dans la brochure sont bien magdaléniens, mais ce qui n'est pas magdalénien, c'est la peinture. Cette peinture se trouve sur un plafond non élevé dans une grotte obscure. Si l'on a peint ce plafond, c'est certainement pour en jouir. La grotte était donc éclairée. Or, l'éclairage ne pouvait dans les temps paléolithiques qu'être très fumeux. Les peintures auraient bien vite disparu sous une couche de fumée. Il y a plus, votre correspondant vous dit que cette peinture se détache et s'efface facilement quand on la frotte. Or, pendant les siècles qui se sont succédés, depuis l'époque magdalénienne, les ailes des chauves-souris ont dû battre des milliers et des milliers de fois contre le plafond de la grotte. Elles auraient donc détruit toutes les peintures, si ces peintures étaient paléolithiques et même anciennes. En examinant les croquis de votre correspondant, on voit que l'Auroch numéro 2 n'est qu'une affreuse farce, une véritable caricature créée et mise au monde pour pouvoir rire à l'aise des trop crédules paléo-ethnologues. Mon opinion est donc qu'il n'y a pas lieu de s'occuper de cette farce. Vous voyez, la masse est dite, c'est terminé, on ne parlera plus d'Altamira. C'est ce que souhaite Mortillé et ce que va reprendre le Carteillac. Et Altamira plongea dans l'oubli. Jusqu'à ce que, Capitan, Peyroni et moi reprîmes le sujet en Dordogne à la suite de d'autres découvertes. Et je ne sais pas si vous le savez, mais en 1902, Émile Cartaillac a publié un article qui est repris comme un grand acte de courage d'un scientifique. Cet article s'appelle « Mea culpa d'un sceptique ». Et c'est vrai que c'est une espèce d'acte de contrition d'Émile Cartaillac dans lequel il dit « Je me suis trompé, nous sommes trompés sur l'art pariétal. Cet art existe, les paléolithiques étaient capables d'avoir ce type de pratique artistique. Et pendant trop longtemps, nous avons mis de côté toutes les découvertes et nous avons été injustes à l'égard des inventeurs. » Nous n'avons plus aucune raison de suspecter l'antiquité des peintures d'Altamira. Il faut s'incliner devant la réalité d'un fait. Et je dois, pour ce qui me concerne, faire amende honorable. Notre jeunesse croyait tout savoir. Mais les découvertes de messieurs Daléo, Rivière, Capitan et Breuil nous montrent que notre science, comme les autres, écrit une histoire qui ne sera jamais terminée, mais dont l'intérêt augmente sans cesse. Émile Cartaillac. Alors, en 1902, un autre de mes maîtres, Émile Cartaillac, me proposa de reprendre le procès d'Altamira et de nous rendre dans cette localité pour examiner les fresques. Il faut se souvenir que la seconde partie du XIXe siècle est la période où la peinture rentre dans l'intérieur bourgeois. Donc l'art, sous la forme de la peinture, est l'art le plus élevé. Comment reconnaître cela à des prix historiques? C'est tout à fait impossible. Donc il va vraiment falloir attendre toute l'innocence, toute la jeunesse, toute la fougue de gens comme l'abbé Breuil et le début du XXe siècle pour obtenir une véritable reconnaissance. Je suis très fier de pouvoir vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui, monsieur l'abbé Breuil. Pour moi, les grottes là ornées renversent complètement la conception de l'évolution. Jean Rouault, écrivain. Vous savez, quand on a découvert Altamira, les gens ne voulaient pas croire que ça ait pu être fait par les hommes de la préhistoire. Et parce que s'il était impensable, dans un contexte positiviste qui était marqué par la philosophie darwinienne de l'évolution, en fait, tout le monde connaît cette frise là avec un singe en bout de piste, un homme de l'autre, et puis cette évolution, le singe qui se relève. Donc pour arriver à cet homme terminal, on ne pouvait pas faire l'économie d'un demi-homme. Et qu'un demi-homme eût pu faire ces fresques-là était indispensable pour des esprits positivistes. Donc c'est ce renversement absolu comme ça de perspective historique, dialectique, qui m'intéresse. C'est à la fin du XVIIIe siècle que la géologie et la paléontologie vont donner la profondeur temporelle qui va permettre à la préhistoire d'apparaître, c'est-à-dire l'idée qu'un homme ait pu exister avant l'histoire. La fin du XIXe siècle fait apparaître cette notion de patrimoine, c'est-à-dire l'idée que l'on puisse préserver des choses du passé pour les générations futures. Et il y a un basculement dans les sociétés occidentales à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, puisqu'on essaie à ce moment-là d'exploiter au maximum les données ethnographiques. Donc on va vers l'autre actuel, le sauvage. On essaie de comprendre dans ses productions matérielles, mais également dans ses pratiques quotidiennes. Et finalement, pour nous, le sauvage, c'est l'homme préhistorique. Donc il y a ce mouvement que les anthropologues accomplissent en Océanie, en Afrique, eh bien les préhistoriens font de même en France, en Belgique, en Italie, en Espagne, en Allemagne. Et il y a quelques farfelus, on va dire, qui ont essayé dans les années 1890-1890 de faire reconnaître dans telle ou telle grotte des gravures ou des sculptures. Il y a en particulier quelqu'un qui s'appelait Émile Rivière, qui dans une grotte pas loin des Aisies, qui s'appelle La Moutte, a fait des découvertes majeures. En particulier la découverte d'une possible lampe, et donc la possibilité de comprendre enfin comment nos préhistoriques ont pu s'éclairer et réaliser leur représentation. En 1895, il a même montré à Émile Cartaillac que les représentations sur les parois descendaient très profondément dans le dépôt archéologique, c'est-à-dire qu'elles avaient au moins l'âge du dépôt archéologique. Pour autant, ils n'avaient pas emporté la conviction de Cartaillac. En revanche, Breuil est quelqu'un qui n'a absolument aucun tabou. Il est tout jeune, il est né en 1877, il va vraiment tout bouleverser. Et il est tout de suite séduit par ces questions-là. Et lors d'une mission en 1901 aux Hésites Taillac, Breuil participe à la découverte d'une grotte importante, qui est la grotte des Combarelles. Et la semaine suivante, il découvrira également une autre grotte ornée, à côté des Hésites de Taillac, la grotte de Font de Gaume. Voilà, approchez, venez là. Voilà, c'est juste vous donner quelques repères pour profiter correctement de la visite. Avec juste donc un plan de la grotte. Jean-Pierre Vanzo, guide de Font de Gaume. Il y a une échelle qui vous donne les proportions du site. Alors c'est une petite grotte, Font de Gaume. C'est 220 mètres de développement. Il va falloir qu'on marche un peu pour franchir un passage étroit. Ce passage, on l'appelait le Rubicon. Et au-delà du Rubicon, en général, il se passe quelque chose. Et une fois qu'on l'a franchi. Et là, vous allez le franchir deux fois, le Rubicon. Si tout se passe bien. Et au-delà du Rubicon, vous allez commencer à voir des peintures. Voilà. Des couleurs, des formes organisées. Ce sont les peintures préhistoriques. Ces peintures préhistoriques, elles ont été reconnues très tard. On a capté ça en 1901, le 12 septembre. Voilà, précisément. Et quelqu'un a acté ça. Et à partir de là, d'autres découvertes sont survenues. Mais sur le plan de l'archéologie, c'est un moment clé. C'est le moment de la captation des œuvres préhistoriques. Alors Font de Gaume, ce n'est pas la première grotte où l'on a capté. Mais disons que bon, ça a été quasiment la première où l'on a reconnu l'existence de l'art des cavernes. Vous voyez, ce n'est pas une petite affaire. Ça vient de loin tout ça. On avait manqué le rendez-vous d'Altamira, en Espagne, en 1879. Et puis d'autres. Hein. Puis finalement, en 1901, alors il se trouve que le 8 septembre, c'est les Combarelles, où des gravures sont captées par des agriculteurs. Et ils appellent quelques érudits, Capitan, et puis après Breuil, Peyronie, enfin voilà. Ils sont amenés à voir dans la grotte des Combarelles un cheval gravé, le cheval de la découverte. C'est une merveille. Et puis le 12 septembre, c'est 4 jours après, Peyronie, c'était un instituteur, qui avait fréquenté Font de Gaume, quand il était gamin, comme beaucoup de gens du pays, il y a un siècle. Il faut réaliser ça. La grotte de Font de Gaume était fréquentée. Mais on n'avait pas capté la dimension préhistorique. Ni les œuvres, donc. Et malheureusement, il y a des graffitis modernes partout dans le site qui montrent ce paradoxe, finalement. Tout le propos, ici, c'est de voir. Et c'est pas simple. Donc on va s'approcher. Vous allez voir, l'entrée est majestueuse. Vous allez en juger par vous-même. Vous me suivez ? Donc, première fois pour vous. Voilà, pour vous aussi. Monique Véret, guide de Combarelles. C'était très bas de plafond, en fait, à l'époque préhistorique. Il n'y accédait que à quatre pattes, du début jusqu'à la fin. Alors, eux accèdent à quatre pattes, les découvreurs aussi. On a des graffitis 1843, c'est quatre pattes aussi. Breuil va travailler pendant 10 ans à faire ses relevés avec sa soutane et dans les mêmes conditions. Et c'est en 1911 où on aménage cette galerie pour pouvoir passer debout. Donc, c'est les neveux de la famille qui aménagent Belle Pioche Brouette. Et sinon, tous les autres étaient un peu courageux. Donc Breuil, il partait, il avait des nattes hein, en jonc, et il partait avec ses papiers, ses crayons, pendant des demi-journées, avec la bougie, la lampe à acétylène un peu après. Et il a relevé comme ça des mètres de parois, en fait. On est parti. Attention à vos têtes ici. Alors, je veux bien montrer ça, mais là, il faut faire très, très attention de ne pas toucher derrière vous. Et là, on a un mammouth. Alors, regardez, quand on met la lumière ici, là, on voit rien. Enfin, rien, on voit un petit bout de dos, là. Voilà, et si on met la lumière ici... Ah, ouais. Je ne le vois pas. Ici, ça, c'est l'œil. Attendez, je montre la trompe. la tête. Ah oui. Voilà. Attention. Voilà, vous avancez un petit peu, là, juste là. Vous serrez bien. Alors, le cheval de la découverte, parce que c'est le cheval qui va illustrer la découverte. Hein, Breuil va utiliser cette image-là. Alors, hyper réaliste. Hein. Voilà, l'œil, la bouche, naseaux, les oreilles, la crinière, le dos, patte arrière, le ventre et patte avant. Altamira, effectivement, pour son premier voyage à Altamira, il va en soutane. D'ailleurs, on a... Une des rares traces de son passage là-bas, c'est une photographie où on le voit recouvert de bougies qui a coulé sur sa soutane. Et donc, faut imaginer Breuil plutôt en battle dress, avec des bottes, et c'est ce qui sera la tenue qu'il aura tout au long de sa carrière. Et donc tout de suite, il va faire des relevés, tout de suite, il va les publier. Et les opposants du 19e siècle, pour diverses raisons, ne serait-ce que parce qu'une partie d'entre eux sont décédés, en particulier Gabriel de Mortillé, ne vont pas être aussi virulents. On aura évidemment quelques excités qui vont continuer à s'y opposer. Mais dans l'ensemble, l'annonce de la découverte des Comparelles et de Fonds de Gaume va passer assez inaperçue. Donc pas d'hostilité, c'est déjà une victoire. Mais la victoire va venir d'Altamira, le fait même d'y retourner. Parce que le paradoxe d'Altamira, c'est que personne n'y est retourné. Et donc on parlait d'Altamira, ou plutôt on ne parlait pas d'Altamira, juste sur ce fondement-là. Et est-ce que cette reconnaissance de l'art pariétal change cette vision qu'on a de l'homme préhistorique ? Alors je dirais plutôt qu'on reconnaît l'art pariétal parce qu'on a changé notre vision de l'homme préhistorique. Et finalement la préhistoire, c'est juste une question d'altérité. C'est notre perception de l'autre, c'est notre interrogation fondamentale. Si vous venez juste un aparté de 2 minutes pour entendre un tout petit peu le son. Et après, on va démarrer la visite proprement dite. Qu'est-ce que vous avez vu à Fonds de Gaume quand vous y repensez ? Qu'est-ce qui vous est resté en tête comme image ? Oh, comme image, c'est un grand couloir, Fonds de Gaume. C'est pas du tout avec des grandes salles. Jean-Christophe Bailly, historien et écrivain. C'est un grand couloir, parfois assez étroit, qui s'élargit comme ça, avec des ventricules, on pourrait dire. Et en fait, bon, c'est lié, les souvenirs, c'est comme ça. Comme il y avait un très très bel orage, et que, en attendant l'heure où on pouvait, où le groupe, c'est des groupes limités, en attendant l'heure où le groupe limité, qui était composé que d'étrangers et de moi, et on s'était mis à l'abri donc sous un repli de la corniche, et la forêt qui est autour de tout ça, elle est sous cet orage, enfin avec le ciel vraiment très très sombre, etc. il y a en même temps une clarté de clarté d'orage, si on peut dire, et je me souviens de ça, et puis des portes en fer qui ferment l'entrée à la grotte, puis déjà une espèce de préparation au mystère, quoi. Entendre le bruit de l'eau qui coule au fond du vallon. Et puis après, on entre dedans, avec ses côtés toujours un peu marrants, puisqu'il y a un sol en caoutchouc en même temps. Enfin, c'est... Puis bon, évidemment, idéalement, on aimerait être tout seul, avoir un peu peur, là, on peut pas. Et puis on se souvient aussi de... Je me souviens, ça m'avait frappé, on visite avec un guide, c'était une guide, et évidemment, elle a un petit pinceau laser. Et quand on pense à ce que c'est que cet objet, qu'un pinceau laser avec cette petite pointe rouge qui se promène, l'idée même que cette petite lueur rouge se balade sur ses parois, il y a quelque chose d'un collage absolument invraisemblable, quoi. Voilà, c'est difficile de se concentrer sur les figures, mais bon. Non, mais ce qui m'a surtout frappé, c'est un souvenir générique, si on peut dire, c'est qui est une particularité de Fonds de Gaume, c'est le grand nombre de signes symboliques qui alterne avec les représentations animales. Et là, le mystère est redoublé, d'une certaine manière. Et je sais pas, c'est quand je vois ces peintures, quand je les vois, comme tout le monde, je les vois surtout en reproduction, mais sachant un peu comment elles peuvent fonctionner sur la peau du minéral, il y a quelque chose de l'ordre, alors qu'on est évidemment dans le régime du visuel, de la vue, il y a quelque chose de l'ordre du toucher. Et on a presque, c'est idiot là, mais quand je dis ça, j'ai presque la sensation qu'on a quand on touche une oreille d'âne. Les oreilles d'âne, ça a été le symbole, je vois, le bonnet d'âne. En fait, tout, c'est formidable, une oreille d'âne. C'est magnifique. Puis quand on la touche, un mélange de rêche et de doux, enfin, c'est assez extra. Et puis bon, on est en contact avec quoi? On ne sait pas. Un animal, à coup sûr, mais une forme, une existence qui est invraisemblable, comme tout, comme une libellule. Comme... Et cet étonnement-là, ils l'avaient, ces hommes-là. Et cette... Voilà, comme si... Et ce que je reproche, en gros, aux spécialistes, c'est que souvent, bon, l'oreille d'âne, elle est oubliée, quoi. Voilà. On va avancer encore un tout petit peu. Alors, là, on vous suit ou... Le mieux, ce serait que vous avanciez. D'accord. Attention, voilà. Rien touché, c'est bon. Voilà, il faut regarder vers le fond. Voilà. Vous comme ça, ça voilà, va, ça sera très bien. Et puis, là, au fond, attendez. Est-ce que, Leïla, est-ce qu'on a le laser, quelque part? Mais écoute, je ne sais pas ce que... Mais moi non plus, je pense qu'on a dû le ramener. On a un ensemble de traits ici qui sont plus individualisés, on a moins de choses qui partent dans tous les sens. Et donc, toute la question, en fait, en art pariétal, c'est de savoir comment on fait sens de ces formes qu'on voit sur la roche. Et ici, lorsque moi je regarde sur cette paroi, j'y vois une... il faut regarder au niveau de mon ongle, j'y vois une figuration de bouquetin. Avec un museau qui se trouve ici, et puis des cornes extrêmement longues qui reviennent par-dessus le corps, un corps qui est un peu strié le long du dos, une queue qui est redressée, et puis devant la gueule, quelques traits d'abord horizontaux, suivis d'une série de traits verticaux. On dirait qu'ils crachent. Alors, lorsque moi je vois cette figure, fondamentalement, il faut bien se dire qu'il n'y a rien sur la paroi. C'est uniquement une forme, et c'est l'exercice de mon psychisme, les mises en relation que je vais faire, qui vont m'y faire voir une représentation de bouquetin. Oui, vous avez déjà vu un bouquetin, et vous dites, bon bah tiens, ça me fait penser à un bouquetin. Exactement. Mais ça pourrait être... Ça, pour d'autres gens, ça pourrait être tout autre chose. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on... On identifie ça et comment est-ce qu'on argumente sa propre vision? Qu'est-ce qui fonde ma vision et d'exposer les éléments qui fondent une vision. L'histoire de la discipline et de l'archéologie s'est faite de découvertes qui sont exceptionnelles. Jean-Michel Geneste, archéologue. Sont pas prévues, sont totalement fortuites. Bref, de vraies découvertes. Puis un moment est venu où toutes les grottes ouvertes avaient été explorées. Et depuis une trentaine d'années, on est dans une logique pour découvrir des nouvelles grottes ornées. Ce sont des spéléologues qui, de manière raisonnée, prospectent, étudient, comme ici à la grotte Chauvet. Bon, on avait de petites frontales, mais bon, on voyait très bien que on était sur quelque chose d'important. Et puis après, c'est Eliette qui, à un moment donné, s'est rapprochée d'une paroi, et là, elle a vu deux petits traits à l'encre rouge, et là, elle a eu deux mots qui résonnent encore dans nos têtes, c'est « ils sont venus ». En premier, c'est des traits. Deux petits traits à l'encre rouge, et en avançant, on s'est tourné, on a vu un premier petit mammouth de 25 cm de... On s'est dit... Il y a de l'art pariétal. Et à peine prononcer ces mots, on se retourne. Qu'est-ce qu'on voit? Paf, un rhinocéros, un mammouth. Il y a des hommes préhistoriques qui sont venus, qui ont fait quelque chose, qui ont peint quelque chose. De la spéléo, on passait à ce moment-là, on est passé dans la préhistoire. Voilà. Là, bon, ce sont des instants forts, très forts et magiques. Hein, bon. C'est des gens qui passent énormément de temps à chercher des grottes et qui ont l'œil, effectivement, qui ont l'œil. La découverte de la grotte Chauvenne, c'est pas faite par hasard, par ces trois-là. Ils n'en étaient pas à leur coup d'essai à ce moment-là. Eliette Brunel avait été correspondante des antiquités préhistoriques. Jean-Marie Chauvet était déjà gardien des grottes ornées. Donc c'était des gens qui avaient une sensibilité, plus même qu'une sensibilité. Ils cherchaient des grottes lors de leur loisir. Tous les week-ends, ils étaient sur le terrain à aller creuser ici un trou, là un autre. Et c'est vrai que quand on discute avec eux, ils nous disent toujours, on avait toujours un ou deux trous souffleurs d'avance, et on savait que tel jour, on allait aller visiter celui-là, et puis la fois d'après, qu'est-ce qu'on fait? Et hop, ils partaient vers un autre. Et un jour, le trou en question s'est révélé être la grotte Chauvet. Lorsque la température extérieure se refroidit, l'air chaud qui est en grand volume sous terre est expulsé, et à ce moment-là on peut avoir un jet de buée ou de vapeur que l'on voit dans l'environnement. Et là, ils avaient identifié dans cette région, ici et sur le plateau, des trous souffleurs où effectivement il y avait un peu de buée quand il faisait froid. Et ils savaient qu'il y avait un grand volume d'air captif à l'intérieur, qui sortait par une petite infarctus. Il s'agissait après de le suivre, de suivre les courants d'air. Et là, il fallait en même temps avoir beaucoup de connaissances, de savoir-faire et de volonté pour passer dans une toute petite fissure, l'élargir à la taille des corps, et puis finalement accéder dans une cavité qui, au bout d'un certain temps, s'est avérée renfermer des œuvres d'art, parce que les œuvres d'art les plus monumentales et les plus visibles de la grotte Chauvet ne sont que dans le fond de la grotte. Voilà pourquoi ces découvertes sont toujours, malgré leur caractère intentionnel, très miraculeuses, finalement. Ce qu'il y a d'intéressant dans la région, c'est plus, non pas les récits de découvertes effectives, mais les récits qui tournent de gens qui disent avoir découvert des grottes ornées. On a des gens qui disent avoir vu une grotte, mais c'était dans un certain contexte, et ils l'ont rebouchée, et ils n'ont jamais dit où c'était, et ils sont partis. Et parfois, c'est le chien d'un chasseur qui est rentré dans un terrier. Le chasseur est rentré derrière avec une bougie, mais après, il n'a plus jamais retrouvé. C'était à peu près par là-bas, au niveau de la cathédrale. Et puis, il y a d'autres récits d'un spéléologue qui accompagnait des archéologues dans une grotte et qui, pendant que les archéologues travaillaient, allait fouiner ici et là, alentour, et qui serait tombé dans un autre Chauvet à proximité. Mais qui ne dira jamais rien, parce qu'il a décidé qu'il ne dirait jamais rien aux archéologues. Donc ça, c'est tous des récits qui existent, effectivement, et quelle est la véracité de tout ça? Peu importe, en fait, finalement. En fait, l'intérêt, c'est que ces récits continuent et circulent. Et donc ça fait partie du répertoire des possibles. Il y a une mythologie de la découverte des grottes par les enfants, et il y a aussi une réalité. Rémi Labrusse, historien de l'art. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu, la mythologie se fonde sur des faits réels. Le regard des enfants, pour des raisons tout à fait physiques, qui sont leur capacité à se faufiler dans des trous, leur manière de regarder là où les autres ne regardent pas, c'est-à-dire à ne pas focaliser leur regard, avoir un regard afocal, les a conduits, incontestablement, à voir des choses que d'autres ne voyaient pas. Il faut dire aussi que l'art pariétal, c'est un art qui ne se donne pas facilement, c'est un art qui est marqué par un fort degré d'invisibilité. Et c'est la vacance, en quelque sorte, du regard des enfants qui leur rend possible quelque chose qui est moins facile, parfois, pour des adultes qui ont structuré, a priori, leur regard dans le sens d'une attente, d'une représentation préalable. Donc il y a une réalité incontestable. Après, cette réalité, effectivement, elle a consonné avec un besoin du monde occidental qui a voulu construire les grottes sur le modèle de la révélation. Une grande concomitance entre les apparitions divines à des enfants, dont la plus célèbre est Bernadette Soubirous, des illettrés à des gens marginaux, dans des grottes, et des grottes d'ailleurs souvent marquées par une présence paléolithique, et d'autre part donc les découvertes de grottes. Alors ça signale un besoin qui est partagé à la fois par les découvreurs eux-mêmes, par ces enfants, et par toute la société qui les entoure, qui va du coup après les restructurer ça comme un récit ou comme un mythe, et du coup remettre au centre ce qui au départ était marginalisé. L'enfant, c'est périphérique, hein, c'est celui qui n'a pas droit à la parole. Donc c'est une manière, en quelque sorte, finalement, d'anthropologiser le dogme chrétien au moment où celui-ci est en train de s'effriter, alors même qu'on continue d'en avoir besoin, fondamentalement, pour donner du sens au monde qui nous entoure. l'anecdote de la trouvaille de Lascaux au sein de cette époque terrible quand même, puisque les grottes de Lascaux ont été découvertes en pleine occupation allemande, une époque où on respire pas, où tout est surveillé, où tout est méfiant, où tout est triste, appauvri, à tout point de vue. Et c'est vrai que par rapport à ça, le récit de la découverte, il y a quelque chose d'un conte. C'est un conte merveilleux. Ici, la grotte de Lascaux, à quelques 25 mètres sous terre, sous cette campagne périgourdine qui déploie, qui déroule sous le soleil ses bois, ses plaines, ses collines, ses vallonnements. Et tandis que nous parlons ici, notre voix éveille des échos qui ont plus de 20 000 ans. Il y a combien de temps exactement que vous avez découvert cette grotte ? 8 ans, monsieur. Quels sont vos noms ? Moi, Jacques Marsal. Et Marcel Ravida. Georges, voilà, c'était celui qui était originaire de Montignac. Georges Daniel. Et l'autre était Simon Guincas. Un des garçons, un des inventeurs, qui s'appelle Ravida, avait passé par là. Le chien de mon camarade chien, qui suivait un lapin est descendu dans un trou. Le chien s'est mis à suivre un lapin. Et c'est le chien ne pouvant plus remonter, nous nous sommes décidés à descendre. Et c'est comme ça que la grotte a été découverte. C'est le lapin qui est à l'origine de la découverte. Non, l'histoire du chien, c'est une légende finalement. Et alors, pour attraper son chien qui était tombé à 2 mètres, il a fait glisser une pierre. Des petits jeunes gens du bourg de Montignac, dans le nord de la Dordogne, le 12 septembre 1940, errait un peu à l'aventure. Et il y avait une légende qui courait dans le pays qui disait qu'il y avait un souterrain avec un veau d'or et le trésor. Alors ils ont dit c'est peut-être le veau d'or. Et du manoir, la légende disait qu'un souterrain s'ouvrait dans le bois avec un trésor et un veau d'or. Ou alors c'est le souterrain du château de Lascaux. Oui, dit Blancas. Il n'y avait pas d'école, c'était le jeudi. D'abord, premièrement, c'était au mois de septembre, c'était les vacances. Et c'est comme ça qu'ils y ont été. C'était le 12 septembre, il faisait très beau, il faisait très chaud. Arrivés au sommet du plateau, ils avisèrent d'une petite dépression. Et on est arrivé tout à fait au fait de la colline, à un petit trou que nous connaissions déjà. Et dans ce trou, l'un d'eux, Ravida, jeta un caillou. On a d'abord lancé des pierres que l'on a entendu dégringoler avec une forte résonance. Et là, on s'est et là, on a pioché avec des poignards pour faire partir de la terre, pour faire partir des pierres, pour essayer de dégager un passage. Et le caillou se mit à rouler, à faire un certain bruit. Et à ce moment-là, Ravida me dit, toi qui es assez mince, tu devrais essayer de passer. Ravida me dit, toi qui n'es pas gros, tu devrais essayer de te glisser là. Justement, il fallait agrandir au fur et à mesure de la descente, parce que le trou était très étroit. Je m'enfile dans le trou, vous savez, courageux, mais tout juste. À ce moment-là, Ravida, qui était l'aîné, a dit, tu es un dégonflard. Ravida, avec son poignard, a dégagé une grosse pierre. Et ensuite, on s'est laissé glisser sur le derrière, jusque dans la grotte même. Et il s'est glissé le long de cette sorte de faille. Cheminée. Nous n'avions qu'une petite lampe à pétrole. Même pas, c'était la guerre, c'était une pompe à graisse transformée en lampe à pétrole. Ravida, en homme avisé, introduisit dedans du pétrole, je ne sais pas où il l'avait barboté. Au garage. Et ouais, c'est tout simple. Une mèche. Ça avait une petite flamme comme ça, à peine une bougie. Et on s'éclairait les pieds. Et forcément, en venant du soleil extérieur, en arrivant dans ce trou noir, on ne voyait presque rien. Ils eurent peur. Le premier mouvement fut de la terreur. Et là, on avait un peu peur, on était impressionnés par le fait. On s'est rendu compte, si vous voulez, qu'on était tombé dans une caverne. Une grotte inconnue. Et c'est en arrivant dans la partie principale de la grotte, en soulevant la lumière, quand il a été habitué à la nuit, on a vu que le plafond était couvert de peintures. Rouge, noir, jaune, de chevaux, de vaches. Bon, on était complètement dingue quand on a vu ça. Et alors, prenant courage, ils visèrent toute la grotte admirablement. On se donnait des coups de poing. Et tu as vu celui-là, tu as vu celle-ci, tu as vu celle-là. Ils découvrirent toutes les figures. On s'est aventuré plus loin, on a vu un énorme taureau noir, ensuite au fond des chevaux qui avaient l'air de tomber, dont un qui était même pas à l'envers. C'était donc une découverte exceptionnelle. On a pensé tout de suite que l'on avait découvert quelque chose de très important. Mais je ne s'en doutais qu'à moitié. Et sans se rendre compte de la valeur exacte de ce que nous avions trouvé. Au fond, on n'est pas loin de l'aspect qu'avait la grotte il y a 17 000 ans. Avec ce décor fait de ces grands aurochs associés avec des chevaux, des cerfs. Brigitte Deluc, archéologue. Et imaginez la maîtrise des auteurs pour réaliser des animaux qui font les aurochs jusqu'à 5,50 m. C'est-à-dire qu'il leur a fallu, à ces Magdaléniens, des systèmes d'échafaudage, peut-être des troncs d'arbres servant d'échelles primitives, pour atteindre des parois qui sont plafonnantes. Et perchés sur leur échafaudage de fortune, ils ne pouvaient pas voir d'un seul coup l'ensemble de l'animal dessiné. Et pourtant, tous les animaux sont parfaitement dessinés. Nous continuons la visite. Voilà les petits cerfs que je vous ai annoncés, qui sont de plusieurs techniques, de plusieurs couleurs. Celui-ci est couleur rouge vineux, avec les ramures et le contour en noir. Celui-ci est de rouge pâle. Je vous attire votre attention sur la raideur des pattes. Ici, celui-ci est d'une couleur bistre, mais les ramures sont d'une figure plus ancienne qui a été restaurée. Car les hommes de Lascaux ont restauré constamment les anciennes figures qui s'en allaient. Et ici, d'autres que nous verrons mieux sur la figure suivante. Descendons maintenant, avec une échelle de corde, autant que possible, au fond du puits de 7 mètres. Il s'est passé des choses au fond de ce puits extraordinaire. Trois figures principales et quelques accessoires. Il a été recueilli non seulement des lampes, plus d'une centaine, en particulier, et ça c'est un mystère, dans le fond du puits. Pourquoi avoir accumulé des lampes alors que c'était très difficile pour aller les chercher? Et dans le fond du diverticule des félins, dans cette galerie tellement difficile d'accès, figurez-vous qu'au fond de cette galerie, après un nouvel obstacle qui était un espèce de petit gouffre de 4 mètres de profondeur, très difficile à franchir, eh bien tout au fond, il a été retrouvé une cachette qui recelait énormément de pigments, c'est-à-dire de l'ocre rouge, du manganèse, en particulier des boulettes d'argile avec de la poudre de manganèse. Pourquoi stocker cette réserve de pigments au fond du diverticule axial sans évoquer un lieu religieux sacré comme le Naos des temples égyptiens? Suite de la visite. Première figure à main gauche en entrant. Elle est plus grande que cela. Peinte en noir. Et chose curieuse, comme avec un pistolet, comme avec un tube qui aurait servi à projeter de la couleur. Elle est superposée à une figure plus ancienne. Voyez-vous, ce trait-là, il est rouge. C'est un cheval dont le museau est là, le poitrail est ici, le sommet de la tête là, l'encolure et le dos. Puis des chevaux peints en noir également au procédé du pistolet. J'oubliais de vous dire que cet animal n'existe pas comme espèce. C'est un animal fantastique. Ce n'est pas très rare d'en avoir dans ces cavernes. On est vraiment à l'extrême fin, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très, très frappant ici. Et en fait, il y a un ensemble de traits qui se trouvent devant le bouquetin. Alors, je vais déplacer juste un tout petit peu ma lampe. Il est très difficile à voir. Les deux ouvertures. Une toute petite grotte, basse de plafond. On ne peut y être qu'accroupi, et on y tient à trois ou quatre, pas plus. Elle est toute en courbe douce et d'un blanc crémeux. Les gouttes y scintillent. C'est pas évident à le discerner. Mais on a une série de traits qui sont une représentation très schématique de ce qu'on peut imaginer être un être mi-homme, mi-animal. On les voit relativement mal. Il y a des cornes ici, un museau, une autre corne ici, et puis des bras qui partent de part et d'autre ici. Et c'est la dernière figure tout au fond qui se trouve justement devant ce bouquetin et entre un auroch qui se trouve de l'autre côté, qui a aussi des traits devant la gueule. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres cavités, où des êtres mi-homme, mi-animal, sont en position terminale dans les dispositifs pariétaux. À Chauvet, notamment, on a un être de ce type, même s'il n'est pas du tout traité graphiquement parlant, de la même manière, tout à la fin de la salle du fond. Attention derrière. Peut-être allumer la lampe aussi. Ouais. On va gentiment repartir de l'autre côté. On va repasser le passage bas. Donc on repasse le boyau. Ouais. Matin de septembre au paléolithique, il faut envisager que l'ensoleillement doit être à peu près similaire à celui qu'on a aujourd'hui. Par contre, les températures peuvent être beaucoup plus basses. Il y a certains endroits où les escarpements rocheux ont dû reculer un petit peu. L'Ardèche s'est probablement un petit peu incisée. Et il faut imaginer à l'époque plutôt une steppe avec des bouleaux, du pin. Donc quelque chose de beaucoup plus dégagé, avec des entrées de grottes qui devaient être plus visibles aussi dans le paysage. Et une grande faune. Des aurochs, des bisons, des mammouths, le bouquetin, le renne. On a quelques restes de marmottes aussi à la grotte au point, par exemple. Et puis, une espèce assez emblématique aussi dans cet environnement, qui est l'ours des cavernes. Il faut imaginer des déplacements saisonniers, des gens qui suivent les troupeaux. Ici, maintenant, on est à l'automne, on voit bien que les animaux se préparent à migrer. Les humains étant liés à leur gibier devaient suivre comme tout prédateur les proies lorsqu'elles se déplaçaient. Les animaux finissent de faire leurs réserves et les ours vont probablement partir hiverner dans les cavités. Mais ce dont on parle là, c'est pas le passé lui-même. Là, ce dont on parle, c'est l'image qu'on peut projeter sur ce paysage aujourd'hui par rapport aux connaissances qu'on en a. Ni vous ni moi n'avons assisté à ce petit matin de septembre. Il est perdu pour toujours, bien évidemment. Et les voitures qui passent nous le rappellent bien. C'est ça. On est en 2016. C'est ça. Christophe Bailly, Brigitte Deluc, Jean-Michel Geneste, Arnaud Hurel, Rémi Labrusse, Julien Monet, Jean Rouault, Jean-Pierre Vanzo et Monique Véret. Merci aussi à la RMN et à l'Institut de paléontologie. Lecture, Alex Dutil. Prise de son, Yann Frécy, Jean-Pierre Pernel. Bruitage, Elodie Fiat. Mixage, Éric Boisset. Caverne, ouvre-toi. Un beau jour naquit la préhistoire. Un documentaire de Perrine Kervran, réalisé par Diffie Mariani. Il y a ce geste dont je vous ai parlé, parce que là on le voit, de ce cheval dessiné dans la glaise comme ça, à cul-sac, d'un seul trait. À un moment, il y a un trait qui part, et le type lève le doigt, parce qu'il voit qu'il va pas y arriver. C'est pas un bon départ. Il efface pas comme mon frère aujourd'hui. Non, il reprend. Et vous avez ce trait incroyable d'un type qui fait un cheval de 5 mètres de long, d'un seul geste.